السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم واحدا وخلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi, hein, je vais voir la date, du samedi 29-6-1431 de l'Hégire, ce qui correspond, inshallah ta'ala, au 12-6-2010. Inshallah ta'ala, avant de répondre à vos questions, nous allons faire ce qu'on appelle yani, quelques fawaïd, quelques fawaïd dans la aqidah. On va parler de certaines choses comme ça, certains intérêts comme ça. Naam. Tayyib. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La yus'al amma yif'al. La yus'al amma yif'al. Attendez, on va voir d'abord qu'est-ce que ça donne ça quand on va yani, traduire ça en français. Naam. La yus'al amma yif'al. Une seconde, je vais chercher le verset en français. Une seconde. Voyez. La yus'al amma yif'al. Voyez. Une seconde. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الأنبياء 23 الأنبياء 23 مثلا on va voir en français qu'est-ce que ça donne donc الأنبياء 23 il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Non. Donc je vais le copier d'abord. طيب Ce verset, sur l'Anbiya, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre compte de leurs actes. Eux, c'est-à-dire nous. Eux, c'est-à-dire nous. Fawaid, vous m'entendez? Certains, non, certains, se sont basés surtout les ennemis, par exemple, de l'islam, etc. Ceux qui veulent trouver des fautes dans le Coran, là, des fautes dans yani, la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fautes dans la sunna, et comme ça. Certains ont dit, puisque le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Ils ont dit donc, ça rentre dans... un peu, astaghfirullah wa atubu ilayh, ça rentre dans la dictature. Comprenez, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Mais c'est nous qui yani, serons interrogés. Donc, certains ont dit, donc, puisqu'il n'est pas interrogé, donc il peut faire des choses yani, qui sont fausses ou qui sont injustes. Et personne n'a le droit de lui demander pourquoi tu as fait cette chose. Les savants ont répondu, les savants ont dit, mashallah, on dit justement, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Il a dit, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Pourquoi il a dit cela? Justement, parce que tout ce qu'il fait, c'est le plus juste et le plus parfait. C'est pour ça que il n'a pas besoin d'être interrogé. Ce n'est pas comme nous. Si quelqu'un dit, je n'ai pas le droit d'être interrogé sur ce que je fais. On va dire parce qu'il veut cacher les fautes qu'il fait, il veut cacher les injustices qu'il fait. Mais si maintenant ça vient de l'Allah, quand il dit il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et ça on dit tellement, tellement, tout ce qu'il fait, c'est le plus juste, le plus parfait, le plus beau. C'est pour ça que il n'a pas besoin d'être interrogé sur ce qu'il fait. Et autre chose, Inch'Allah, aussi. Non. Vous savez que les savants ont divergé. Ont divergé sur quelle est la première créature ou bien création. Et bien sûr, Al-Salaf, quand je dis ils ont divergé entre deux avis. Le premier avis qui dit c'est l'arche, c'est le trône. Et le deuxième avis qui dit quoi? Qui dit c'est la plume, Al-Qalam. Donc vous allez trouver beaucoup de savants, surtout contemporains d'Arabie Saoudite comme Salah al-Sheikh Hafidhahullah et Sheikh Ibn Uthaymeen et beaucoup, qui disent que la première chose qui a été créée, c'est le trône. Et vous allez trouver aussi que beaucoup d'autres, eux, comme par exemple Sheikh Al-Albani, Rahimahullah, qui dit que la première des choses à être créée, c'est quoi? C'est la plume. Et les deux, bien sûr, en quoi? En des dalils. Je dirais même que les deux se basent sur le même dalil. Mais ça dépend comment yani, le savant comprend le dalil. Les dalils sont tous les mêmes. Mais c'est les compréhensions qui yani, ne sont pas les mêmes. Un autre intérêt aussi. Un troisième intérêt. Quand quelqu'un, par exemple, est musulman, ensuite, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, par exemple, il apostasie. Il apostasie. Il devient bouddhiste, il devient chrétien, il devient juif, il devient je ne sais pas quoi. Ensuite, par exemple, il revient à l'islam. Il revient à l'islam. Et que, entre-temps, avant d'apostasier, lorsqu'il était musulman, il a fait le hajj. Il a fait le hajj. Est-ce que maintenant on va lui dire, il faut que tu refasses le hajj, ou bien on lui dit, puisque tu as fait déjà le hajj, ça suffit. Non. Ceux qui vont dire, on va lui dire, il faut que tu refasses le hajj, vont sûrement se baser sur un verset très clair. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min khasirin. Il a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si tu fais du shirk, tes œuvres seront annulées. Donc, ton hajj sera annulé. Puisqu'ici, tu as fait du shirk. Tu as fait le grand shirk, tu as fait le kufr, tu es sorti de l'islam. Donc tu n'as plus de hajj, se basant sur ce verset. Et le deuxième avis, c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, dans Silsila Sahiha, c'est l'avis le plus juste, qui dit que si un musulman a fait par exemple le hajj, ensuite il apostasie, ensuite il revient vers l'islam, il n'est pas obligé de refaire le hajj. Car son premier hajj est valable. Est valable. Ils ont dit maintenant, quel est le dalil? Quelle est la preuve? Ils ont dit, la preuve, c'est un autre verset. Un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit que, yani, celui qui sort de l'islam, il a dit que ses actions seront nulles s'il meurt. S'il meurt comme ça, kafir. Mais c'est-à-dire que s'il revient vers l'islam, ils ne seront pas nuls. Naam. Tandis que je suis en train de me rappeler le verset. Naam. Naam, je me suis rappelé, alhamdoulilah. Famen yirtad minkum an dinih, quiconque de vous apostasie sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fayamut wa huwa kafir. Ensuite, il meurt en état de mécréance. Il a dit, c'est celui-là, naam, habita amalo, c'est celui-là qui, toutes ses actions seront annulées. Donc, celui qui a apostasie et ne meurt pas en état de mécréance, mais après des années ou après je ne sais pas combien de temps, est revenu vers l'islam. Celui-là, hein, ce n'est pas la peine quoi qu'il refasse son hajj, hein, car Allah subhanahu wa ta'ala ne le lui a pas annulé. Ça y est. Autre intérêt, inshallah ta'ala. Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, naam, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son cousin, et celui, bien sûr, qui bien sûr, vous savez que c'est Habr al-Umma. C'est, yani, l'interprète du Coran, comme on dit. L'interprète du Coran. Voyez, qu'est-ce qu'il a dit, radiallahu ta'ala anhu? Il a dit, Men jahada ma anzalallahu faqad kafar. Il a dit, quiconque nie ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, a mécru, devenu kafir. وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ. Et quiconque reconnaît que il faut juger avec les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne juge pas. Il a dit, فَهُوَ ظَالِمٌ, c'est un injuste, fasiq, pervers. قال الشيخ الألباني رحمه الله وابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس لكنه جيد في الشواهد. نعم لكنه جيد في الشواهد. الشيخ الألباني رحمه الله il a un livre que normalement tout le monde devrait lire, mais je ne sais pas s'il existe chez vous en traduction française. Sinon, en arabe, نعم, اسمه فتنة التكفير, la fitna du takfir. Une seconde. Ça y est, une seconde, inshallah, une minute, hein? Une minute, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc le livre dont je parlais, du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, la fitna du takfir, fitna tout takfir. S'il existe en français chez vous, c'est un livre que tout le monde devrait avoir avec lui. Si quelqu'un ne lit pas ce livre et il va rencontrer un tekfiri, il va, place, il n'a aucune réponse. Hein? Tekfiri va commencer à te citer des versets, des ayats, des Cheikh l'Islam a dit, Cheikh Akda a dit, place, tu vas rester bouche bée, tu vas dire donc, c'est vrai, celui qui ne juge pas avec les jugements d'Allah, dans tous les cas, il est kafir. Il n'y a pas d'exception. Mais, si tu lis un livre pareil, et tu lis les livres de Al-Sunnah al-Jama'a, comme ça, quand tu parles avec un takfiri, il devient comme une mouche, comme un moustique devant toi. Classe, pourquoi? Tout ce qu'il dit, il dit un délil, tu dis 10. Tout ce qu'il dit, là, tu connais sa réponse. Tout ce qu'il dit, tu connais sa réponse. C'est pour ça que je vous conseille de lire ce livre, là, Fitna tout takfir, livre très important. Où Cheikh Al-Albani rahimahullah donne toutes les preuves, là, et toutes les, même toutes, comment ça s'appelle ça? Attendez, les chaînes de transmission du hadith de Abdullah ibn Abbas, que celui qui ne juge pas avec les jugements d'Allah, qui n'est pas kafir, là, qu'il est seulement quoi? Fasiq, valim, sauf bien sûr s'il nie, s'il renie, s'il dit non, il n'y a pas de jugement, là, khlas. Et vous savez que les grands savants, comme Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et tous les grands, ne faisaient pas le takfir des hukam. D'ailleurs, est-ce que pensez-vous de quelqu'un qui dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala a été créée? Quelqu'un qui dit que le Coran a été créé. C'est un kofre ou ce n'est pas un kofre? Et pourtant, au temps de Ahmed ibn Hanbal, le hakim disait comme ça, le ma'moun, disait que celui, non seulement le Coran écrit, mais il faut dire que le Coran écrit. Sinon, je te rentre en prison. Et jamais Ahmed, ni les grands savants, n'ont dit que le Ma'moun était un kafir, alors qu'il n'a pas jugé avec les jugements d'Allah. Car dire que le Coran écrit, tu n'as pas jugé avec le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah, c'est de dire que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fa'dhatiyya wa fi'liyya. C'est quoi? C'est un attribut de l'essence et de l'acte. Al-Muhim. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de la fitna du takfir. Ensuite, ce qu'il y a dans la fitna du takfir, qu'est-ce qu'il y a avec les takfiris? Ce qu'il y a, c'est que tu n'apprends jamais ta religion. Jamais, au grand jamais, tu n'apprends une chose dans la religion. Si au moins, après qu'ils disaient, ou là après qu'ils disent que khlas, non, supposons que khlas, tous les gouverneurs sont des kofars. Aïe. Supposition, khlas, ils sont tous des kofars. Aïe, Bouteflika est kafir, Mohamed Sissé est kafir, tout le monde est kafir. Aïe. Apprenez-moi maintenant mon dîn. Je vais rester du matin au soir à marcher dans la rue et dire Bouteflika kafir, Bouteflika est kafir, c'est ça, hada ou dîn. Khlas, maintenant en disant que Flan est kafir, ça veut dire khlas, c'est ça. Allah Ta'ala a envoyé 124 000 nabis et 315 messagers seulement pour qu'ils disent que tel gouverneur est kafir. Et là s'arrête le dîn, khlas. Où est le dîn? Où est la aqida? Où est le hadith? Où est le tafsir? Où est le Coran? Où est l'usul? Où est? Demandez à un takfiri. Un takfiri. Quand il commence à parler jugement, mais jugement kafir, ma kafir. Demandez-lui de vous apprendre une petite chose dans le wudu. Une petite chose dans le salat. Khlas, Bouteflika est kafir, khlas. Parle-moi de maintenant, soujoud sahou. Soujoud sahou. J'ai oublié tashahhud, je me suis levé. Est-ce que j'ai un soujoud sahou ou là, j'ai pas? Si j'ai, il est avant, là il est après. Et comme ça, ils font rien, subhanallah, rien, vide. Là, pas seulement des ignorants, attendez, je trouve le mot. Il y a une idée têtue. Têtue, têtue, têtue, subhanallah. Puisse Allah Ta'ala nous préserver. Al-Muhim. Regardez cet autre intérêt. Un Abi Medina Ad-Darimi, rahimallah, il a dit. كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم que les deux que deux quand deux compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم se rencontraient لم يفترقا jamais ils ne se quittaient حتى يقرأ أحدهم على الآخر والعصر jamais ils ne se quittaient avant que l'un des deux ne lise sur l'autre soit l'asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ensuite ثم يسلم أحد مع الآخر ensuite l'autre dit à l'autre السلام عليكم et ils partent نعم ce, bien sûr ce, cette sunna là Cheikh Al-Albani رحمه الله dans ses débuts il avait dit que c'était faible ensuite il est revenu vers ça et il a dit que ça rentre dans la sunna. Il a cité ça dans le Silsila Sahiha 2648. Naam. Et bien sûr, comme vous savez, Cheikh Al-Albani rahimahullah, yani, comme il est revenu vers des choses qu'il disait que ce n'était pas de la Sunna, et à la fin il a dit c'est de la Sunna, la même chose, il est revenu vers des choses qui il avait dit c'est de la Sunna, ensuite il a dit ce n'est plus de la Sunna, comme le Adhan. Le Adhan dans l'oreille du bébé. Auparavant, il disait c'est la sunna de faire l'adhan dans son oreille. Il a même dit, dans Silsila Sahiha, que c'est de la sunna de faire l'iqama dans l'oreille gauche. Et après, bien sûr, il s'est désisté de ces deux choses et il a dit ce n'est pas de la sunna, ni de faire l'adhan, ni de faire l'iqama. Quelqu'un va dire comment? Un grand savant, par exemple, il dit cette chose c'est de la sunna, ensuite. Des années après, il va dire ça, c'est pas de la sunna. Donc, celui-là, c'est pas un savant, ou bien c'est quoi, yani, comment ça, c'est des contradictions. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, justement, quand quelqu'un fait comme ça prouve que c'est un grand savant. Quelle est la preuve? La preuve. La preuve, regardez, yani, dès que il voit quelque chose qui est en contradiction avec ce qu'il a dit, ou bien, un hadith qu'il ne connaissait pas, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse vite ce qui pour lui n'est plus vrai et va dire maintenant le vrai pour moi c'est ceci et cela. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, pour ceux qui connaissent un peu le fiqh, vous savez qu'il a yani, le jadid ou le qadim. Il a ce qu'on appelle yani, son avis, l'ancien, et son avis, le nouveau. Il a un avis quand il était en Irak, il a un autre avis quand il était en Égypte. Donc deux avis, c'est pour ça, vous lisez sur Shafi'i par exemple, dans ses livres, hein, vous allez dire que Shafi'i rahmallah dit que telle chose, par exemple, n'est pas sunna. Il le dit quand il était, par exemple, en Irak. Et il dit que ça, c'est sunna quand il était en Égypte. Et comme ça. Pourquoi? Parce que yani, les savants, ils apprennent toujours, il y a toujours du nouveau chez eux. Hein, et ils rencontrent d'autres savants, ils discutent entre eux, etc. Ils apprennent des choses. C'est pour ça que Abu Yusuf, vous connaissez, un grand savant, un adepte de Abu Hanifa, rahimahullah, lui aussi, quand il a rencontré l'imam Malik, rahimahullah, hein, il a délaissé aussi beaucoup de sidir. Beaucoup de sidir, pourquoi? Parce qu'en parlant avec l'imam Malik, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses, yani, qu'il croyait que c'était vrai, mais que yani, la vérité était avec l'imam Malik, rahimahullah, dans ces points-là. Lui ou bien Abu Hassan Shibani, non. Regardez ce hadith qui va venir du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le numéro 2778. 2778, le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Halaku ummati fil kitabi wal laban. La perte et la perdition de ma communauté, de ma umma. C'est qui ça, Oumma? C'est nous, hein, nous tous, ceux qui sont venus après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il parle de Ummat al-Ijaba, c'est-à-dire les musulmans. C'est quoi leur perdition? Elle va être. Qui va être la cause? Imaginez, hein, il a dit que la perte de ma et la perdition de ma communauté se trouvent dans deux choses. Maintenant, nous tous, on voudrait savoir quelles sont ces deux choses. C'est le fait de faire la salat, c'est le fait de faire l'usure, c'est le fait de faire. Non, on est en train de penser. Voyez, on va écouter la réponse directement. La première. D'ailleurs, les compagnons ont dit: Qalu ya Rasulullah. Non. En quoi? Il a dit: El kitabu wal laban. El kitab, le Coran. Et le laban, c'est le lait. Subhanallah al-Azim. Donc, la perdition et la perte de cette umma, qui en sera la cause? Le Coran et quoi? Et le lait. Subhanallah al-Azim. Comment ça? Le Coran et le lait. Et le lait, à fond. Naam, le Coran et le lait. Tayyib, qalu ya Rasulullah, mal kitabu al-laban? Ya Rasulullah, yani, le livre, c'est-à-dire le Coran et le lait, qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: Qala, yata'allamuna al-Qur'an. Il y aura des gens de ma umma, ils vont apprendre le Coran. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Fayata'awwalunahu ala ghayri ma anzala Allah azza wa jalla. Ils vont apprendre le Coran, mais ils vont quoi? Ils ne vont pas l'interpréter comme yani, veut Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme il se veut dans la charia. Mais ils vont le dévier de son sens. Subhanallah. Donc vous allez voir c'est qui ici. Ça rentre toutes les sectes qui ne sont pas sur les sectes des salafs, des pieux prédécesseurs. Ça rentre qui? Ça rentre l'Ash'ari, ça rentre les Ahbash, hein, ça rentre celui que tu lui dis Allah Ta'ala descend. Il te dit non, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne descend pas. Pourquoi il descend? Où est-ce qu'il est? Tu lui dis, il est au-dessus du trône. Astaghfirullah. Tu l'as mis dans une place, il est au-dessus du trône. Allah Ta'ala a deux mains. Astaghfirullah, il te dit Allah Ta'ala a deux mains. Donc tu l'as rassemblé à moi. Donc Allah Ta'ala dit rien ne lui ressemble. Vous comprenez? Allah a deux yeux. Astaghfirullah, Allah a deux yeux. Donc, ils nous ressemblent. Et comme ça. Donc, ceux-là, ils ont appris le Coran, ils connaissent. connaissent le verset, naam, mais il lui donne une autre explication. Il lui donne une autre explication. Il rentre bien sûr ici, il rentre aussi les takfirs. Les takfirs. Les takfirs qui quoi? Qui? Comme a dit Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhumah. Ce hadith que je vais vous citer, il se trouve dans Sahih al-Bukhari, pour ceux qui veulent le vérifier. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Omar? En parlant des khawarij, c'est-à-dire des takfiris de nos jours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils sont allés vers des versets descendus sur des kuffars et les ont appliqués sur nous. Subhanallah. Ils sont allés vers des versets qui sont descendus sur les kuffars, pas sur nous, et ils les ont appliqués sur les musulmans, sur eux, sur les sahaba, et ils sont allés les combattre. Subhanallah. Donc, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Donc le Coran, Allah Ta'ala, avec le Coran, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il guide des gens et des fois, il égare des gens. Regardez, cela dépend avec quelle niya tu vas vers le Coran. Si tu vas vers le Coran avec la niya, l'intention d'apprendre qu'est-ce qu'il y a, l'intention de connaître la parole d'Allah, l'intention d'appliquer, l'intention de sortir des ténèbres, l'intention de faire le repentir, l'intention de voir l'éloquence du Coran, l'intention de connaître les secrets du Coran. Si tu vas avec ces intentions, Allah Ta'ala, qu'est-ce qui s'applique sur toi? Yahdi bihi kathiran. Allah subhanahu wa ta'ala va descendre sur toi la sérénité, même sur ton cœur, et tu vas vite être guidé. Mais maintenant, si tu veux aller vers le Coran avec l'intention que je vais essayer de trouver les fautes qu'il y a dans le Coran, je vais essayer de trouver les contradictions qu'il y a dans le Coran, je vais lire le Coran pour trouver toutes les fautes qu'il y a. Et je vais, dans ce cas, hein, surtout il va dire je vais apprendre l'arabe pour trouver les fautes, car le Coran est en arabe. Qu'est-ce qui va se passer quand cette personne va lire le Coran? Elle va, non, si elle avait 10% de doute dans cet islam et dans l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, elle va en avoir 80% de doute maintenant. Non. Elle va dire, c'est quoi ce Coran? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler d'une fourmi. La fourmi, quand elle a dit, wa qalt namlatun, ya ayyuha an-namlu udkhulu masakinakum. Comment il parle d'une fourmi? Un Coran, tout un Coran parle d'une fourmi, il parle d'un éléphant, fil, sort le fil, même une sourate qui s'appelle sort le fil, il parle d'un moustique. Wallah, la yastahin yadrib mathalan ma ba'uda. C'est quoi ce Coran? Il parle du moustique, c'est pas vrai. Il ne vient pas d'Allah ce Coran, c'est quelqu'un qui l'a écrit, c'est pas vrai. Non. Vous voyez pourquoi il n'est pas allé vers le Coran avec l'intention de revenir vers Allah, de connaître Allah et d'aller vers lui. Mais il est allé avec une autre intention. Donc, qu'a dit le prophète? Il a dit la perdition de ma umma sera dans deux choses. Le livre, c'est-à-dire le Coran, il aura expliqué donc c'est quoi, comment va venir la perdition du Coran. Et la deuxième chose, il a dit le lait. Lui ont dit, alors c'est quoi le lait? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. C'est-à-dire, et ils vont aimer le lait de la vache, mashallah, le lait de la vache avec du beurre en dessous, subhanallah, de la crème. Il a dit alors qu'est-ce qu'ils vont faire puisqu'ils vont aimer le lait? Alors ils vont délaisser la prière du groupe. Et ils vont même délaisser le Jumu'ah, salat le Jumu'ah. Et ils vont aller, yani, à la campagne. Eh bien, on va faire salat le Jumu'ah. Oh là, je peux pas. Je vais aller à la campagne, je vais acheter du lait là-bas. Ou là, j'ai une vache là-bas, il faut que j'aille la traire. Je peux pas aller à salat le Jumu'ah. Bien, on va à la mosquée, salat le Maghrib. Non, j'ai du lait, je dois le ramener de la campagne. Et comme ça, bien sûr, vous allez dire maintenant, bien sûr, vous allez dire peut-être ça ne s'applique pas maintenant. Mais autrefois, le lait, c'était vraiment yani, vital et capital. Vous ne pouvez pas vivre autrefois sans lait. Il faut en manger du pain et du lait, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Non. Et de nos jours, qu'est-ce qui peut s'appliquer à ça? Ça s'applique les gens, par exemple, qui le vendredi, ils se disent je vais à la plage. Non. Et ça, tout le mois, tu fais pas. Il te dit, je suis Moussef. Ah, je suis en voyage. Mais allez, je voyage, c'est pas obligé ça, tout le mois. Comme a dit Cheikh Ben Bez, rahimahullah, il a dit, tu laisses ça, là, tout le mois, pour aller à la plage. Hein. Tu laisses ça, là, tout le mois, pour aller te promener. Salat al-Jumu'ah, c'est ça le voyage. Tu veux aller à la plage Salat le vendredi, mais cherche une mosquée où il y a Salat al-Jumu'ah. Avant d'aller à la plage, va d'abord vers Salat al-Jumu'ah. Il y a une mosquée, le bout qu'il y ait une mosquée quelque part. C'est pas interdit le vendredi de voyager ou là d'aller se promener ou là d'aller à la forêt. Mais ce qui est interdit, c'est de délaisser Salat al-Jumu'ah à cause de la forêt. Et à cause de. Du camping et je ne sais pas quoi. Non. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Ça y est, on va ajouter, Inch'Allah, autre chose. Il y a quelques intérêts, Inch'Allah. Ça y est. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était en train d'uriner. Le hadith se trouve sur le numéro 197. Et quelqu'un est passé, il lui a dit salam alaykoum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir terminé, lui a dit Ida ra'aytani ala mithli hadhihi al-hala. Si une autre fois, tu me vois dans une même situation, comme ça, en train d'uriner, fala tusallim alayya. Ne me dis pas salamu alaykoum. Parce que si jamais tu fais ça, je ne te réponds pas par wa alaykoum salam. Donc, on prend ça, qu'est-ce qu'on prend de ça? On prend de ça deux choses. Comme dit Cheikh Al-Albani, la première, que quand quelqu'un est en train d'uriner ou là, on passe devant lui, on ne lui dit pas salamu alaykoum. Si quelqu'un est dans les toilettes et on passe par exemple et supposons que la porte soit ouverte, supposons, et qu'on le voit, on ne lui dit pas salam alaykoum. Non. Et on prend une deuxième chose, comme a dit Cheikh Al-Albani rahmoullah, on prend que on peut parler quand on est dans les toilettes s'il y a haja. Haja, s'il y a un besoin. Car Cheikh Al-Albani rahmoullah a dit wa'ir. Et apparemment, lorsque le prophète lui a dit, lorsque tu me vois dans cette situation, ne me dis pas salam, il a dit apparemment, il était en train d'uriner quand il lui a dit cette phrase. Comme ça a dit Cheikh Al-Albani, il dit apparemment, il a dit ça quand il était en train d'uriner dans cette situation. Il a dit c'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, est dans les toilettes, ensuite il y a un besoin de parler, on parle. Il n'y a aucun hadith qui dit que c'est interdit. C'est interdit, par exemple, de dire dhikr, bien de parler de la spanota, ou bien de lire le Coran, ou bien. Mais si je suis dans les toilettes, et que, par exemple, je ne sais pas, mon fils me demande une chose ou là, je ne vais pas sortir des toilettes pour lui répondre. Non, c'est juste un mot ou deux, la clé se trouve là-bas, ferme la porte, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Non, il n'y a aucune interdiction, non, comme ça, clair. Dans la charia. Mais les gens disent que par adab, yani, c'est pas du bon comportement de yani, discuter dans les toilettes. Non. Et encore moins, ce n'est pas dans le bon comportement de prendre des journaux dans les toilettes. Il y a des gens qui prennent des journaux et des revues. Ils prennent la cigarette et prennent le thé. Ils prennent le thé à l'intérieur. Et la cigarette et les revues et les journaux. Non, peut-être aussi le téléphone, c'est sûr. De nos jours, hein, le téléphone. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, yani, nous donner le bon comportement. Pourquoi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait des toilettes, il disait refrain. beaucoup de savants disent que, en franc, ça veut dire Allah, pardonne-moi. Il disait parce que quand il est à l'intérieur, il est quoi? Il est comme, yani, comment qu'on dit? Il est comme emprisonné. Donc, emprisonné de quoi? Emprisonné de faire le zikr. Donc, ça veut dire qu'on doit vite sortir de cet endroit. Non. On ne reste pas si on n'a rien à faire à l'intérieur. D'ailleurs, ici, a dit Cheikh Ibn Rahmoullah, wa zahiru al-hadith, annahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qala dhalika wa huwa yaboul. Fa fihi dalil ala jawaz al-kalam ala al-khala. Il a dit, apparemment, lorsque le prophète alayhi sallam lui a dit cette phrase, ne me dis pas salam, il lui a dit, alors qu'il est en train de d'uriner. Il a dit, fihi dalil. Donc, ce hadith contient, il comprend un dalil que on peut parler quand on est dans les toilettes. Que on peut parler quand on est dans les toilettes. Un autre intérêt, inshallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, min sunnati fi salat, an tada'a al-yatayka ala aqibayka bayna sajdatayn. Hadith numéro 383, page 339. Authentique. Qu'a dit Abdullah ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit min sunna. Il a dit, ça rentre dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De faire quoi? Il a dit que lorsque tu es entre les deux prosternations, regardez, je me suis prosterné la première fois. J'ai dit Allahu Akbar, je me suis prosterné. Subhanabbi al-A'la, Subhanabbi al-A'la, Subhanabbi al-A'la, au moins, ça. Ensuite, je m'assois, Rabbi khfidli, Rabbi khfidli. Ou bien Rabbi khfidli. Mais comment je m'assois entre les deux? Comment je fais mes pieds? Naam. Abdullah ibn Abbas radiallahu a dit qu'il était de la sunna que lorsqu'on est entre les deux prosternations, de s'asseoir sur ses talons. Nous d'habitude on s'assoit sur quoi? On s'assoit pas sur les talons, ça. On s'assoit sur, yani, normalement, sur, yani, les. Bon, c'est difficile à expliquer, mais pas sur les talons. Mais Abdullah ibn Abbas te montre qu'il est de la sunna, c'est pour ça que de temps en temps on doit faire cette sunna, pour revivifier la sunna, pour apprendre, pour que les gens sachent, voilà ce qu'il y a de nouveau. Non. Pour que tu sois toi, tu sois sebeb, pour que les gens demandent, ils disent pourquoi tu fais comme ça? Tu dis un hadith, Abdullah ibn Abbas, il a dit le prophète, voilà sa sunna, comment on faisait, comment on doit faire. Et les gens. Tu seras toi la cause que les gens ont appris. Quiconque va faire ensuite cette sunna, subhanallah, tu vas avoir avec quoi, avec lui, des récompenses jusqu'à ce que cette sunna ne se fasse plus. Donc toi, tu peux la montrer à quelqu'un, et ce quelqu'un à un autre, cet autre à un autre, et ça va marcher comme ça des centaines d'années, des milliers d'années, alors que toi, tu es mort, et les récompenses arrivent dans quoi? Dans ta tombe, masha'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment on fait? On s'assoit sur les genoux. C'est un peu difficile, ça, surtout pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais ça se fait pour hommes et femmes, bien sûr. De temps en temps, il faut que la personne la fasse, comme ça, de temps en temps, une fois par jour, même, deux fois, une fois par mois, une fois, au moins. C'est de la sunna, ça rentre dans la sunna. Non. Maintenant, inshallah ta'ala, ici, c'est salat l'Isha. C'est le adhan salat l'Isha. On se rencontre, bi'idna subhanahu wa azzawajal, après salat l'Isha. J'espère, inshallah ta'ala, que vos questions seront prêtes. Subhanallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est clair, cher? Alhamdulillah. On va recommencer les questions-réponses, Inch'Allah. Question de Soulayman 13. Salam alaykoum. Qu'Allah vous couvre de sa miséricorde et qu'il vous augmente en science. Ma mère n'a jamais fait la prière de sa vie, mais elle prononce de temps en temps la shahada. Si ma mère meurt dans cet état, sans avoir fait la prière, dois-je prier sur elle ou dois-je m'en abstenir? Dois-je assister au cortège funéraire et à l'enterrement? Barakallahu fikoum, cher. Question de Ourte 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur dans des rêves plutôt rares aperçoit sa grand-mère décédée. Elle rêve en fait que c'est le jour de son mariage, qu'elle sort de son lycée en robe de mariée et que sa grand-mère est présente et la félicite. Et une fois en plus de sa grand-mère, il y avait dans son rêve deux femmes qui la regardaient, qui riaient. Entre parenthèses, mais cette sœur ne pense pas que ce soit des rires sains. Donc elle voudrait savoir s'il y a une signification derrière ce rêve du point de vue de sa grand-mère décédée d'une part et de ses deux femmes. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de Al-Islam Salafi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Pouvez-vous expliquer le hadith qui dit qu'Allah Ta'ala a créé Adam à son image? Est-ce par rapport aux attributs, c'est-à-dire que les attributs portent le même nom sans qu'il y ait de ressemblance? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question de Abu Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le paradis et vous préserve de l'enfer. Quel est le meilleur temps pour la prière de l'Aïcha, pour la femme qui prie à la maison, et quel est le dalil? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous augmente en science. Mohamed. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous élève et vous comble de bienfaits. À la fin de ces menstrues, si une femme introduit du coton et voit qu'elle n'a rien, si ce n'est de très très petites quantités de sécrétions jaunes. Tantôt elle les voit et tantôt elle ne les voit pas. Donc tantôt c'est blanc et cependant au moins 2 jours de la fin, c'est un truc que j'allais faire. La fin de la question n'est pas très claire. Donc tantôt c'est blanc et ce pendant au moins 2 jours à la fin de ses menstrues, que doit-elle faire? Doit-elle attendre encore et ne pas prier? À la fois une chère, mais la fin de la question n'est pas très claire. Barakallahu fikoum chère pour tout ce que vous faites, ainsi qu'aux admins, et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le Firdaous à vous, aux admins, ainsi qu'à tous ceux qui écoutent le cours. Donc, Inch'Allah, je demande à Bint Mohamed soit de venir me voir en PV ou soit de voir le frère Alpha Wide pour rédiger la fin de la question. Barakallahu fikoum. Atfadal cher. Naam, alaykoum salam, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des coupures? Parce que le muslim, quand je t'entends parler, j'entends quelques coupures. Je ne sais pas si chez vous il y a des coupures ou pas. Al-Mouhim. Abu Ibrahim MDY, hayakallah. Naam, Abu Ibrahim MDY, hayakallah. Toi, il a été compagnon. Ça coupe là, hein, non, un peu. Moi aussi, hein. Ça coupe chez moi aussi, hein. Donc c'est ça. C'est audible, je crois. Ça coupait juste un peu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est audible? Non. Oui. C'est audible, cher. Je pense, Wallahu ta'ala alam. Je pense, hein, je dis Wallahu ta'ala alam, que quand quelqu'un ouvre son salon, comme moi par exemple, je viens d'ouvrir, et que s'il reste comme ça un certain temps, par exemple 20 minutes, une demi-heure, le temps d'aller à la prière, etc., inactif de la part de l'honneur, comme moi ici, je pense que Allahu alam ta'ala, il faudrait le fermer, le réouvrir, pour que le son soit net. Wallahu alam. Mais puisque vous m'entendez, donc c'est pas la peine de le refermer, de le réouvrir. Et je vous dis que Vous m'entendez? Non, mais ensuite, il y a eu des problèmes. Ensuite, il y a eu des problèmes. Ça y est, je commence, Inch'Allah, par la dernière question. Parce que je ne l'ai pas noté. Et c'est une question qui se pose beaucoup. Et sa réponse est très claire. Non. Toutes les femmes du monde se divisent en deux, qui sont de menstrues. Elles se divisent en deux, qui sont de pureté dans les menstrues. Ou bien elles ont ce qu'on appelle le fil blanc, ou bien elles n'en ont pas. Ou bien elles ont ce qu'on appelle le fil blanc, ou bien elles n'en ont pas. Celle qui a le fil blanc, d'habitude elle a le fil blanc, ça veut dire que elle ne doit jamais se baser sur quoi? Sur yani, la sécheresse. Le fait de dire que c'est sec, l'endroit est sec, il n'y a plus de sang. Donc, je vais faire la prière. On lui dit non. Il faut que tu attendes que tu aies le fil blanc. Et celles qui n'ont pas, qui n'en ont pas ça, sur le fait que ça soit sec. Si c'est sec, nam, khlas, ça veut dire que dans la plupart des cas, plus aucune goutte de sang ne viendra. Dans ce cas, elle se purifie, elle fait la salade. Mais celles qui ont l'habitude de voir les pertes blanches et le fil blanc là-bas, elles ne doivent pas prier, même si quoi? Même si il n'y a plus aucune goutte de sang, jusqu'à l'apparition du fil blanc. Sauf si ça dépasse 15 jours, dans ce cas, elle est obligée de commencer à faire la prière, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc ça aide de voir dans quel cas elle est. Ensuite, pour la première personne, celle qui parlait de sa mère qui n'a jamais fait la prière, et si elle venait à décéder, est-ce qu'elle prierait sur elle ou pas? Vous savez que celui qui ne fait pas la prière se divise en deux. Celui qui ne la fait pas, il dit qu'il n'y a pas de prière. Celui-là, il est kafir unanimement. Unanimement, qu'il est kafir et qu'on n'a pas le droit de faire la prière sur lui. Et le deuxième cas, celui qui dit il y a la prière, etc. Mais par passeresse, il ne la fait pas. Paresse, hein, par paresse, il ne la fait pas. Celui-là, c'est ça, c'est là où les savants ont divergé. Entre ceux qui disent il est kafir et ceux qui disent il n'est pas kafir. Et un avis au milieu, c'est un bel avis celui-là, il me plaît aussi. Un avis au milieu qui dit quoi? Il dit il est kafir. S'il meurt, tant qu'il est vivant, on ne dit pas encore il est kafir, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'une minute à l'autre. Mais s'il meurt sans jamais avoir fait une seule prosternation dans sa vie, ils ont dit celui-là, il est kafir. Sauf si quoi? Sauf si c'était quelqu'un qui faisait la prière et l'a délaissé. Il l'a fait une fois, parce qu'il reste une année, il ne fait pas. Ensuite, il fait pendant 3 ou 4 mois, ensuite il ne fait pas. Ensuite il ne fait pas. Celui-là, on ne peut pas dire de lui, il est qu'un. Mais celui qui n'a jamais, jamais, jamais prié dans sa vie, il y a ce genre. Il y en a qui n'ont jamais, se sont jamais prosternés au moins une seule fois dans leur vie. Celui-là, il y a né cet avis. C'est l'avis de. Il se trouve aussi chez le Cheikh Mohammed Belkous, il dit que celui-là, c'est un kafir. Naam. Elle voilà, puisqu'elle dit qu'elle a l'habitude de voir le liquide blanc, donc elle l'attend. Elle l'attend jusqu'à ce qu'elle voie le liquide blanc. Elle mouhim. Que je disais, là. Quant à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a aussi un avis au milieu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il est kafir si le gouverneur établit sur lui la preuve, si le gouverneur l'appelle, il lui vient faire la prière. Sinon, je vais te couper ta tête si tu ne la fais pas. 3 fois. Et il ne veut pas, il dit non. Coupez-moi ma tête. Il dit celui-là, il ne faut pas avoir de doute qu'il est kafir. Comment une personne accepte qu'elle meure? Est-ce que vous connaissez une personne qui peut accepter qu'elle meure? Quand elle meurt facilement, si ce n'est pas quoi? Si ce n'est que, yani vraiment, elle a une forte aqida dans son cœur. Non. Pour cela, qu'elle a accepté qu'elle meure sans faire la prière. Donc c'est une forte arida que il n'y a pas Allah, ou là il n'y a pas paradis, ou là il n'y a pas de prière. El Mouhim, je dis à cette sœur, je reviens pour dire, si tu es de l'avis qui disent que une personne ne la fait pas, Nam, par paresse, qu'elle n'est pas kafira, ou alors que ta mère avait l'habitude de faire de temps en temps la prière, de temps en temps de ne la pas faire, je conseille, Nam, de faire la prière sur elle. Pourquoi? Parce que c'est yani, une personne très proche de toi. Et c'est toi la plus proche qui yani, ta mère a besoin d'elle pour lui faire des doigts. Ce n'est pas comme une autre personne étrangère qui est morte. Celle-là ne fait pas la prière, yani, qu'elle aille au feu. Mais celle-là, c'est un père, c'est une mère, qui sont les plus proches. Hein, que là, yani, on doit montrer qu'on a une certaine yani, une certaine yani, piété envers eux, hein, ça s'appelle la piété filiale, et puisqu'il y a divergence, moi je prends de l'avis qui dit que c'est pas kafir juste parce que yani, ce sont vraiment une personne très proche de moi. Hein, et je lui fais, inshallah ta'ala, des doigts. Bien sûr, ça c'est dans le cas où elle n'a pas quoi. C'est dans le cas où elle n'a pas dit il n'y a pas de salat, ou là, si elle dit ça, elle est kafira. Non. Pour la deuxième personne qui a rêvé du rêve et avait dit s'il avait une signification, je dis pour moi seulement, pour une autre personne, je ne sais pas. Pour moi, personnellement, ce rêve ne fait partie, parce que vous savez, les rêves se divisent en trois. Celui qui fait partie, qui vient d'Allah, celui qui vient du shaitan, et celui qui vient du nefs. Nefs, c'est tout, nefs. Pour moi, c'est quelque chose qui vient seulement du nefs, pour moi. Pour moi, il n'a pas yani, un sens qui mériterait de quoi de l'interpréter. Car, il faut dire que Al-Sunnah ou Jama'a, ce ne sont pas les gens que vous voyez à la télé qui viennent interpréter les rêves pour le moindre détail, ils t'interprètent ton rêve. Non. Tu lui donnes un moindre détail, tu lui dis, j'ai rêvé, j'étais dans une voiture, c'est pas. Il donne la couleur bleue, il te dit voilà ce que veut dire le rêve. Si la couleur c'était une couleur rouge, il te donne une autre interprétation. Si tu es sur un âne, c'est une interprétation. Tu es dans le bus, tu arrives et tu étais dans le bus, il te donne une interprétation. Si c'est l'avion, c'est une autre interprétation. Et comme ça, non, tout cela c'est exagéré, ça n'a rien à voir avec la sunna et l'explication des rêves. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Car il y a des personnes qui disent que si on rêve de quelqu'un de mort, ça veut dire qu'on va mourir. Je vous ai dit plusieurs fois que ça n'était pas vrai. Qu'il n'y avait rien dans le dîn qui disait cela. Que mieux encore, les savants ont dit que celui qui rêve de quelqu'un qui est mort, ou que celui qui rêve qu'il va mourir, c'est un bon signe. Ils ont dit car mourir, c'est revenir vers Allah. Donc, celui qui rêve de mourir, ça veut dire qu'il va revenir vers Allah. Ça veut dire qu'il va faire la tawbah. Non. Enfin, pour la question de la femme qui avait dit Salat al-Isha, c'est quoi le mieux? Quand est-ce qu'elle l'a fait? En général, Salat al-Isha, toutes les salats, le mieux, c'est de les faire dans leur premier temps. Quand tu entends l'adhan, non, les 5 minutes, les 10 minutes, le quart d'heure, ça c'est le premier temps, jusqu'à une demi-heure. Tout ça c'est le premier temps. C'est le meilleur moment de la salat, que ce soit l'Isha ou une autre. Maintenant, si quelqu'un veut laisser l'Isha, spécialement parce qu'il y a halqa, parce qu'il y a un das, il y a tout ceci, cela, pour la faire jama'a, dans une heure ou là. Condition que, yani, ça ne soit pas minuit, ça ne soit pas le milieu de la nuit. Dans ce cas, c'est permis, comme c'est permis aussi de retarder Salat al-Dhuhr, hein, à cause de la chaleur. Sinon, en général, le mieux, c'est de faire la salat en son premier temps. Quand je dis le mieux, je n'ai pas dit c'est obligé. Je n'ai pas dit que celui qui ne l'a fait pas en premier temps, ça veut dire qu'il aura des péchés. J'ai dit le mieux. Hein, vous faites la différence entre le mieux et yani, le wajib. Enfin, pour la personne qui avait dit que le hadith. C'est quoi le sens de Allah Ta'ala a créé Adam sur son image? Vous savez que déjà sur son image, qu'est-ce que ça veut dire ici sur son image? Allah Ta'ala a créé Adam sur son image. L'image d'Allah ou bien l'image de Adam. Et là, il y a une grande divergence entre les savants. La plupart, ceux d'Arabie Saoudite, comme Cheikh Rajih Hafidhahullah et beaucoup d'autres, disent que en son image, c'est l'image d'Allah. Quant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit son image, c'est l'image de Adam. Et il a cité que le hadith qui disait, un autre hadith qui disait que Allah Ta'ala a créé Adam en l'image de Rahman. Donc c'est Allah, c'est clair ici. Il a dit ce hadith est daïf, Cheikh Al-Albani. Il a dit même Munkar. Il a dit hadith Munkar. Naam. Donc, moi, Inch'Allah Ta'ala, je suis de l'avis, je suis convaincu par l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que Allah Ta'ala a créé Adam en l'image de qui? En son image. Naam, en son image, lui. C'est-à-dire qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire en son image? En son image, aussi, ça a des sens. Naam. Et le meilleur avis chez certains, même si Cheikh Al-Albani, si Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit que c'était l'avis des Mu'tazilites. Quand c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, qui dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en son image? Ça veut dire que nous tous, nous, comme on a été créés, on a été créés par étapes. On était d'abord un spermatozoïde, ensuite on est passé à la deuxième étape, je ne sais pas comment ça s'appelle, en arabe on dit alaqa, ensuite mudra, ensuite on est devenu lahm, ensuite idham, os, ensuite recouvert de chair, et ensuite, yani, bébé, et ensuite, comme ça, on sort 9 mois dans le ventre de la mère. Mais Adam alayhi salam, il a été créé comment? D'un seul coup. D'un seul coup, Allah Ta'ala lui, il a insufflé dans son âme, il a insufflé de son âme dans l'argile, l'argile qui était Adam en forme d'argile, et directement, il a éternué et il a dit Alhamdoulilah et ensuite il a vécu. Voilà, inchallah ta'ala pour ce hadith. J'avais une question, je l'ai oublié. Non, on n'a aucune. Taïb, quelle heure qu'il est chez vous? Une seconde, je vais voir quelle heure qu'il est. Il est chez moi 23h20, c'est-à-dire 22h45. Chez vous 23h45. Pour ceux qui veulent attendre, je vais aller, Inch'Allah Ta'ala, manger et revenir. En moins un quart d'heure. Pour ceux qui sont fatigués ou qui veulent aller dormir, je leur dis bonne nuit, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure ou la 20 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tayyib, tfadl, Inch'Allah Ta'ala, pour les prochaines questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Cher, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Mousseline, il vient juste de m'envoyer les questions, donc je m'excuse un petit peu pour la manière dont je vais les lire. Je suis en train de les découvrir. La première question de Abu Anas qui demande, qui dit. Qu'en France, il y a un contrat de prêt qui se fait ainsi, c'est la banque qui prête de l'argent et le particulier rembourse uniquement la somme que la banque lui a prêtée et une troisième entreprise, va payer l'intérêt. C'est-à-dire celui qui prend le crédit, il n'aura pas à payer l'intérêt, c'est une autre entreprise qui va payer à sa place. Est-ce que c'est halal en islam? La deuxième question est de Oum Mohamed. Qui dit que cette question est un groupe de sœurs qui a une dizaine d'années. Et elle demande quel est le sort de tous les animaux et des insectes, le Yom al-Qiyam, le jour de la résurrection. Est-ce qu'ils seront jugés comme les hommes et est-ce qu'ils seront au paradis? Barakallahu fikum. Une question d'une sœur anonyme qui demande, qui dit que son mari ne paye pas correctement sa zakat depuis des années. elle a un salaire et elle voudrait rattraper les erreurs de son mari et elle veut savoir si c'est si c'est possible, sachant que son mari n'est pas d'accord. Donc lui ne paye pas bien sa zakat et elle voudrait payer, rattraper les erreurs qu'il a faites dans le passé, mais lui il n'est pas d'accord, est-ce que c'est quand même possible? Et de même, elle veut savoir si elle est responsable du fait que son mari ne paye pas sa zakat comme il le faut. C'est-à-dire ce qu'Allah Ta'ala va la châtier pour cela. La quatrième question est pour savoir si Allah Ta'ala décide comment la personne va mourir. C'est-à-dire si elle tombe dans les escaliers, est-ce que c'est Allah qui meurt comme ça? Est-ce que c'est Allah qui va décider, qui a écrit qu'elle va mourir dans cet état? Elle veut savoir ce que c'est Allah qui décide de toutes les morts, comment elles sont causées. Et cette personne a une deuxième question. Elle veut savoir quand une personne est morte, est-ce qu'on peut lire le Coran pour elle? Le Coran en espérant qu'elle soit récompensée. En même temps, voudrait savoir si elle-même elle est récompensée quand elle fait ça. Et si oui, si cela est permis en islam de lire le Coran pour la personne, comment il faut faire? Est-ce qu'on met seulement niyyah dans le cœur? Est-ce qu'on met l'intention dans le cœur? Et même pour tous les actes qu'on fait pour le mort, comme sadaqa ou comme l'aumône et le jeûne et autres, est-ce que ça suffit de mettre l'intention dans le cœur ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Barakallahu fikoum. Et la dernière question de Oum Abdurrahman qui dit: une personne travaille dans une société de nettoyage et dans son lieu de travail il y a un local pour le repas. Et sachant que c'est des koufars apparemment, ils font des repas avec des choses qui ne sont pas halal, peut-être du porc ou autre. Et elle veut savoir si c'est possible qu'il nettoie, enfin qu'il reste dans cette société, qu'il nettoie les ustensiles de cuisine et autres, sachant qu'ils font cuire des produits qui sont pas halal apparemment. C'est pas précisé, mais Allahu a'lam, c'est ça. Et enfin, il y a juste une sœur qui vous dit que vous n'avez pas répondu à l'invitation de l'assise entre sœurs qui aura lieu le 26 à Paris et le 27 à Manosque. Donc elle veut savoir ce qu'il en est. Barakallahu fikoum, cher. J'ai pas entendu la question ou là je n'ai pas bien comprise. La question t'a. Yani, elle a parlé de cuillère, elle lave les cuillères, quelque chose comme ça. La question, je n'ai pas bien compris. Très bien. La première sur les bas, la deuxième non. La troisième c'est sur Zakat. Vous parlez peut-être, cher, de questions sur la personne qui meurt, sur les actes à faire pour la personne qui meurt. Est-ce que c'est bien celle-là? Mais là j'ai la première question. C'est sur riba. C'est sur une personne qui fait des prêts à intérêt. Ah, qui lave les plats. La dernière question même. En fait, il y a un frère qui travaille dans une société de nettoyage en France. Et dans son lieu de travail, il y a un local pour le repas. Et des fois, il doit nettoyer ce local. Et il y a des ustensiles de cuisine, comme les casseroles et autres, dans lesquels ils font cuire des produits qui ne sont pas halal. Par exemple, du porc ou là, peut-être même des verres dans lesquels ils ont bu du vin ou autre. Et elle voudrait savoir si ce frère a le droit de travailler dans cette société. C'est-à-dire de continuer à nettoyer ces ustensiles qui ont été utilisés pour des choses pas halal. Est-ce que c'est clair comme ça? Je sais pas si c'est plus clair pour vos chers. Et puis sauf pour que je réponde pour l'assise, je commence par l'assise. Pour l'assise de Paris, j'avais répondu dans le cours passé. J'avais dit à Mousseline, c'est à lui peut-être qu'il n'a pas envoyé ma réponse. Allahu alam. J'avais dit que j'avais un problème et que je pouvais pas assister. Mais c'est pas la même. Celle-là, je n'ai pas. J'ai pas reçu celle-là, femme. J'ai pas reçu l'autre assise. car pour que j'assiste, il faut que ça concorde. Il faut que ça concorde avec mon temps et mon calendrier. Vous comprenez? Des fois, j'ai des imprévus. Des fois, je dis par exemple, il se peut même que je donne une promesse, je dis par exemple, je vais assister. Ensuite, la dernière minute ou là, un jour avant, là, il y a une chose urgente. Par exemple, mon père m'appelle pour une chose urgente. Il faut que je parte. Je ne peux pas assister, par exemple, à l'assise. On me dit, par exemple, viens m'emmener à l'hôpital ou là, quelque chose comme ça. Donc, je dois partir. C'est impossible que je fasse, par exemple, une assise et je laisse mon père. C'est un exemple. Donc, je dis que je n'ai pas reçu pour l'autre. Hein. Ça y est. On va revenir ici. Et pour cette chose, je suis en train de lire les questions. Je commence par la dernière. Celui qui a dit qu'il lavait des plats, etc., et que les gens boivent de l'alcool, des verres d'alcool, etc. Normalement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'en lavant les verres, etc., il y a deux choses. La première, c'est que je vais l'aider. Donc, moi, quand je vais rincer ce verre, ça veut dire que je vais l'aider pour que cette personne, la prochaine fois, elle trouve donc le verre propre pour boire. Et la deuxième des choses, les savants ont dit, quand un musulman travaille chez un mécréant, il ne faut pas qu'il travaille dans les choses, yani, attendez, qui sont un peu, yani, si je puis dire, yani, avilissants. Ils ont dit, par exemple, il n'est pas permis, par exemple, de laver, par exemple, yani, les souliers d'un kafir, ou de lui faire le ménage. Comprenez? Yani, si je travaille chez un kafir, je travaille avec quelque chose, yani, qui soit digne. Je travaille, je construis une maison, je ne sais pas, mais je fais pas des choses, yani, je lui lave sa vaisselle, je lui lave les toilettes, je lui lave ça. Enfin, comme ça on dit les savants, ils ont dit, jamais le musulman ne doit, yani, se montrer, yani, que, yani, le kafir rabaissant. Voilà. On ne doit pas travailler dans une chose rabaissante. Enfin, s'il te dit construit, s'il te dit yani, un charme, hein, prends cette chose, hein, tout ça ne fait rien. Mais s'il dit des choses, yani, il faut faire des choses rabaissantes. Les savants ont dit, yani, le musulman doit toujours avoir sa fierté d'être musulman. Sa fierté d'être musulman. C'est pour ça que tu dis à cette personne, si tu peux, inshallah ta'ala, regarde comment y trouver une solution pour chercher un travail mieux que celui-là. Tu vas laver des verres de cafards et des assiettes où ils mangent le porc, etc. Eux, ils mangent, hein, et ils te donnent à toi, tu vas y laver. Tu vas leur laver les choses à l'haram. Non. Ensuite, il y avait une autre question ici. Pour le premier qui a dit qu'il faisait un prêt de la banque, mais que c'était une troisième personne ou une troisième société ou là, qui payait les prêts à sa place. Je lui dis, tu as oublié une chose importante. C'est quoi? T'as de la société qui va payer les prêts à ta place. Ou là, la personne à la société. Qui l'a poussé à payer? Elle. Elle, qui l'a poussée à ce qu'elle paye, à ce qu'elle fasse l'usure? C'est toi qui l'as poussée, indirectement. Elle, quand elle a su que toi, tu as fait ce prêt, elle est allée payer à sa place, à ta place. C'est un peu comme si tu donnais toi de l'argent à quelqu'un, tu lui payes à ma place. Moi, je paye pas. Toi, tu payes. Ici, c'est toi qui vas faire le prêt. À cause de ton prêt, lui, il va payer à ta place. Malgré cela, je voudrais que cette question, Inch'Allah Ta'ala, que tu prennes pas de mon avis, de ce que je viens de dire, jusqu'à ce que, je vais la mettre de côté, jusqu'à ce que je la pose à quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui a de la science, bi'idhnillah Ta'ala, un savant, pour qu'il te réponde, et je te ramènerai, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Pour La quatrième, je ne sais pas, je l'ai notée, mais maintenant quand je la lis, je ne la comprends pas. Comment une personne va mourir, etc. Je ne l'ai pas comprise. Si je ne l'ai pas comprise, je n'ai pas bien noté. La quatrième question qui parlait du... Voilà. Comment une personne va mourir et le Coran, etc. La personne aimerait savoir si Allah Ta'ala décide juste que comment, enfin le jour où on va mourir, ou là il décide aussi la manière dont on va mourir. C'est-à-dire, il va dire telle personne va mourir en accident de voiture, ou là telle personne va mourir en se cassant la jambe après en mourant, ou là en poison, ou là par n'importe quelle cause. Elle aimerait savoir est-ce qu'Allah Ta'ala décide de la cause par laquelle on va mourir. Est-ce que c'est bien cette question déjà, cher? Parce qu'il y a deux questions sur la mort. Et puis la deuxième partie de la question, désolé cher, je viens de la lire. Est-ce que quand la personne est morte, on peut lire le Coran pour elle? C'est-à-dire est-ce que ça fait partie des œuvres permises en islam, quand la personne est morte, de lire le Coran pour elle? Est-ce qu'on a la récompense en faisant ça? Est-ce que la personne morte va être aussi récompensé pour cet acte qu'on fait pour elle. Et est-ce que quand on fait cet acte, si cela est permis, est-ce qu'il suffit juste de mettre niya dans le cœur? Et même en faisant sadaqa pour le mort ou autre, est-ce qu'il suffit juste de mettre niya dans le cœur? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? D'accord. Je commence par cette question, inshallah ta'ala, en faisant une petite parenthèse. Une petite parenthèse, inshallah ta'ala. Parce que Fawed qui dans l'admin, yani, il est nouveau, peut-être qu'il ne sait pas que yani, on accepte seulement une question par personne. Mais une fois, j'avais dit que sauf si la deuxième question, s'il y a une deuxième question, sauf si bien sûr elle est liée à l'autre. Comme ici, je crois, je trouve que c'est lié, ma'alich. Mais ici, il y a trois questions. Donc, je vais répondre, inshallah ta'ala, ma'alich. Avant cela, une seconde. Il y a le chat. Il y a le chat qui est ici. Il commence à faire des problèmes. Je l'emmène dans l'autre pièce et je reviens. Wahdatu. Alhamdulillah. Donc, la première question. Est-ce que si quelqu'un meurt, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide comment va mourir la personne? Là, ou bien, yani, ça revient à la personne elle-même. Inch'Allah ta'ala, justement, vous voyez là l'importance de connaître la aqida. De connaître la aqida. Peut-être qu'une personne, yani, j'ai cette personne même qui pose la question, vous voyez donc qu'elle ne connaît pas sa réponse. Bien sûr, ce n'est pas aïb, ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché, ni quelque chose de rabaisant. Mais c'est pour vous dire que l'aqida, c'est vraiment très important, très important. Al-Muhim. Al-Sunna al-Jama'a disent que dans cet univers sur lequel nous vivons, rien, aucune chose, aucun détail ne peut avoir lieu si ce n'est avec la science d'Allah et encore avec la permission d'Allah. Car si Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en parlant d'une feuille, il a dit, wa indahu mafatihul ghayb. Allah Ta'ala détient les clés de l'invisible. La ya'lamuha illahu. Sauf lui, il les connaît, ces clés. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Et ici, ce qu'il y a et ce qui se passe sur la terre et sur la mer. Et il a dit, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Il a dit, il n'y a pas une feuille qui ne tombe de l'arbre sans que il ne connaisse la chose. Ils ne connaissent que une telle feuille est tombée de tel arbre. Et encore, qui lui a donné la permission qu'elle tombe? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala connaît la feuille et lui donne la permission qu'elle tombe, qu'en est-il d'une personne? Est-ce qu'elle peut mourir sans qu'il lui donne la permission qu'elle meure? Et est-ce qu'elle peut mourir d'une façon que c'est elle qui l'a choisie? C'est impossible. On ne meurt que de la façon que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit qu'on meurt. Naam. Et bien sûr, dans la mort des êtres humains, il y a des choses qui nous dépassent. Des choses qui, si on va se baser sur la raison, on ne peut pas les comprendre. Non. Je vous donne un exemple, c'est tout pour que vous compreniez. Omar Ibn Khattab, qu'est-ce que vous connaissez de lui? C'est quelqu'un de pur ou là quelqu'un de. Astaghfirullah. Donc vous êtes sûrement d'accord avec moi que c'est yani, l'une des personnes les plus pieuses yani, sur Terre. Comment qu'il est mort? Il est mort assassiné. Uthman Ibn Affan, comment qu'il est mort? Assassiné. Ali Ibn Abi Talib, comment qu'il est mort? Assassiné. Le prophète Zakaria, comment qu'il est mort? Assassiné. Un hadith du prophète Ali Soslam rapporté par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'a. Il a dit que les Juifs, une fois, en un jour, ils ont tué, assassiné 70 prophètes, 70 messagers. Donc regardez combien de messagers sont morts assassinés. Donc quelqu'un va dire, Subhanallah, quelqu'un de pieux, est-ce que vous connaissez plus pieux qu'un messager? Et il meurt assassiné. Donc c'est pour vous dire que ça ne veut pas dire que parce que telle personne a été assassinée, que yani, elle va aller en enfer ou que Allah Ta'ala ne l'aime pas. Au contraire, yani, pour mourir shahid, ça s'appelle shahid en islam, pour mourir shahid, pour vraiment être pieux et beaucoup, yani, vraiment sincère, pour pouvoir accéder à ce rang. Donc je reviens pour dire quoi que là, ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce qu'on va mourir, ni de la façon de laquelle on va mourir. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand elle a dit pour la personne qui meurt, est-ce qu'on lit sur elle le Coran, etc. Je dis, quand une personne meurt, on ne lit aucun verset sur elle. Car Allah Ta'ala, en parlant du Coran, il a dit, il tournera man kana hayyan. Il a dit, on a fait descendre ce Coran, pourquoi? Pour que, yani, tundir, tu avertisses hein, ceux qui sont vivants. Il a dit, un livre qu'on a fait descendre sur toi pour que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Quand est-ce qu'on fait sortir quelqu'un des ténèbres? Quand il est vivant ou quand il est mort? Quand il est vivant. Quand il est mort, là. Quand il est vivant, il est dans les ténèbres de la mécréance, de l'égarement, de la bid'a, de l'éloignement d'Allah. On le fait venir vers yani, la lumière d'Allah, du Coran, de la Sunna, et comme ça. C'est quand il est vivant. Quand quelqu'un meurt, jamais on ne lit quelque chose sur lui. C'est pour ça que le hadith qui dit lisez Yassine sur vos morts, c'est un hadith qui n'est pas vrai. Certains ont dit il est faible, et d'autres ont dit il est forgé. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, pour les deux premières questions. La troisième, elle est liée aussi à ce sujet, mais j'ai oublié c'était quoi. Elle parlait aussi, je crois que. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le mort, ou quelque chose comme ça. Hein? Si c'est un proche, on peut faire quoi? On peut faire des doigts. On lève nos mains et quoi? Non, on ne peut pas dire le Coran pour le mort. Je viens de répondre. On ne peut pas dire le Coran pour le mort. On ne peut pas dire quelque chose du Coran et dire dans son cœur. Que yani, j'offre cette lecture pour le mort. Les salafs n'ont jamais fait cette chose. Les salafs n'ont jamais fait cette chose. Voyez. Pour le mari qui ne sort pas la zakat, je dis à la sœur, yani, sois apaisée, inshallah ta'ala, pour toi, yani, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, si tout juste, tu veux faire quelque chose de bien, tu lui fais des rappels, c'est tout. Tu lui dis, la zakat, c'est important, il faut la payer, etc. C'est le maximum que tu puisses faire. Mais payer à sa place, alors que lui, il n'est pas d'accord, même si tu donnerais tout l'or du monde, ça va pas, il y a ni quoi, ça va pas arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas l'accepter. Pourquoi? Car, si on veut payer la zakat à la place d'une autre personne, on peut. Mais à condition que la personne sur laquelle on va payer la zakat, qu'elle-même, elle consente. Et elle dise d'accord. On ne peut pas donner la zakat jusqu'à ce qu'on lui demande la permission. Pourquoi? Pour qu'elle fasse la niya dans le cœur. Je lui dis, je donne un exemple. Il y a mon voisin qui a 100 euros zakat, il va les sortir. Je frappe chez lui, je lui dis, tu dois payer 100 euros zakat. C'est vrai? Il me dit oui. Il dit, c'est pas la peine, je vais les payer à ta place. D'accord? Il me dit d'accord, paye-les. Je peux. Mais si maintenant il me dit attention, ne paye pas, je suis pas d'accord, ça veut dire que je ne peux pas les donner. Donc, je lui dis à cette sœur, ce n'est pas la peine de sortir cet argent. Et deuxièmement, tu n'as aucune responsabilité devant Allah subhanahu wa azzawajal. Non. Enfin, pour la question de quel est le sort des animaux quand on va mourir. Le sort des animaux. D'ailleurs, il y avait un animal ici qui s'appelle le Kharouf, est-ce que je viens de sortir. Ça y est, c'était un Kharouf, c'est un Kepch. Sauf que celui-là, il est vraiment loin. Car je le connais, le Mohim. Qu'est-ce que j'allais dire? Naam. Yom al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va ressusciter tous les animaux qui ont vécu sur cette terre. Donc il a dit dans le Coran, wa idal wuhushu, et si les animaux vont ressusciter. Après les avoir ressuscités, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger entre eux. Tel animal a frappé tel animal a mordu tel animal. Allah subhanahu wa ta'ala va donner quoi? Va donner justice à celui qui a été mordu. Un animal a blessé un autre avec ses cornes. Allah ta'ala va demander donc à celui qui n'avait pas les cornes, aujourd'hui, au Qiyama, de quoi? De frapper l'autre animal qui avait les cornes pour l'avoir frappé dans cette dunya et comme ça. Il fait justice entre les animaux. Ensuite, il ordonne, Allah Azzawajal, à tous les animaux, après que justice soit faite, il ordonne à tous les animaux qu'ils deviennent poussière. Ils deviennent poussière. Ensuite, on ne les verra plus jamais. Mais il y aura certains animaux, non, dans le paradis. Dans le paradis, il y aura aussi des animaux. Des animaux spécialement, yani, créés pour le paradis. Certains ont dit, mais il n'y a pas comme ça une preuve flagrante. Certains ont dit que parmi les animaux de cette dunya qui auront lieu là-bas, ils ont dit le mouton que Djibril a fait venir à Ibrahim lorsqu'il a voulu égorger son fils. Et par exemple la chamelle de Salah. Wallahu ta'ala alam, il n'y a pas un délit clair comme ça. Al-Muhim, pourquoi Allah ta'ala va juger entre les animaux? Pourtant les animaux ne sont pas responsables. Est-ce qu'un animal, quand il mord un autre animal, est-ce qu'il est responsable? Il n'est pas responsable. C'est nous qui sommes mukallafin. Puisqu'il n'est pas responsable, pourquoi donc il va juger entre eux? C'est pour que les gens sachent à quel point et à quel degré Allah Azzawajal est juste. Les gens vont dire, quand ils vont voir ça, ils vont dire, Subhanallah, entre les animaux qui ne sont pas responsables et Allah Ta'ala, à quoi? Allah a puni, a châtié ceux qui ont été fautifs, ceux qui étaient injustes. Qu'en est-il maintenant de nous? Les gens comme ça vont dire. Qu'en est-il de nous qui sommes responsables et qui avons tué, qui avons assassiné, qui avons frappé, qui avons blessé, qui avons ceci, cela? Non. Allah Azza wa Jalla Adam, tfadl. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonsoir, Inch'Allah. Alhamdulillah. Question de Redouane 13. Salam alaikum, cher. Est-ce qu'une femme qui a les mains tatouées ou aînée doit porter des gants lorsqu'elle sort ou doit-elle porter des gants avant? Et qu'en est-il de la femme qui porte des bagues? Là, je pense, cher, lorsqu'il dit doit porter des gants avant, je pense qu'il veut dire la femme qui est du aîné ou pas de aîné. Est-ce qu'elle doit porter des gants? Est-ce que c'est obligatoire? Wallahu alam, j'ai compris la question comme ça. Barakallahu fikoum cheikh pour tout ce que vous faites et qu'Allah vous récompense de sa plus belle des récompenses. Question de Abou Shaima 69. Salamu alaykoum. Une femme a-t-elle le droit de dire Wahibuka fillah à un cheikh? Question anonyme. Salamu alaykoum à tous. Cher, j'aimerais vous poser une question concernant une sœur qui travaille en tant qu'éducatrice avec des autistes et des épileptiques. Elle est voilée et il n'y a pas d'homme dans son travail, ce qui fait qu'elle doit surveiller les jeunes adolescents, hommes, pendant leur douche, car il y a des risques de violence sur autrui ou sur eux-mêmes, ou alors de crises épileptiques. Ils sont en danger constant Donc elle doit les surveiller aussi sous la douche. Elle est amenée donc à les voir nues. Elle aime beaucoup son travail et aimerait savoir si elle est dans le péché. Qu'Allah vous accorde le bien ici-bas et dans l'au-delà. Question de cours. Salam alaikum, cher. Jazakumullah khairan pour vos cours, toujours aussi intéressants. Une sœur enceinte de presque 2 mois demande s'il lui est possible de travailler. Entre parenthèses, elle garde une petite fille musulmane, car elle est en contrat avec eux pendant sa période de viduité, sachant que le travail durera que 3 mois et demi, inshallah, et elle en a besoin. Car j'avais lu une fatwa qui autorisait une sœur de continuer ses études en état de viduité. Barakallahu fikoum. Question de Abu Jundub 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Fadilatou Cheikh. Je voulais vous poser une question concernant mon père. Mon père a 65 ans et il n'a plus toute sa tête. Et parfois, il fait ses besoins sur lui. Je voulais savoir si je pouvais l'amener au Hajj dans cet état, car il a très envie d'aller à la Mecque. Merci, cher, et à tous. Qu'Allah le guérisse. Tfadal, cher. Pour le père, non, pour le père qui veut aller au Hajj et qui est dans cet état, non, dans cet état. De toute façon, son fils dit s'il pouvait l'enlever et après, s'il pouvait l'emmener ou pas. Maintenant, cela dépend de quoi? Cela dépend de la patience qu'a ce fils-là et l'endurance qu'il n'en a pas. Car Yannick, ce sera pas facile, sauf si quelqu'un, yani vraiment, il a cette grande passion de le laver à chaque fois, de lui faire des couches à chaque fois, et comme ça. Sinon, le hadj en lui-même, il est valable, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, cela revient à l'enfant, pour voir, à son fils, pour voir est-ce que vraiment, il peut, comment on dit, faire, cette responsabilité, ou là, il peut pas, au milieu du voyage, il va abandonner. Non. C'est pour ça que s'il peut, yani, tout qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il aura un grand ajr, yani, pour pouvoir patienter avec son père. Et pour celle qui avait dit qu'elle était enceinte de 2 mois, dans la période de viduité qu'elle voulait travailler, elle travaille si elle a besoin, comme disent les savants. Non. Si c'est un besoin pour elle de travail, qu'elle a besoin de cet argent, non, elle le fait. Bi-idhnillahi ta'ala. Si ce n'est pas un besoin, c'est juste pour avoir de l'argent en plus, non. Pour l'éducatrice, non. Pour l'éducatrice, pour dire que la personne n'a pas dit si les malades dont elle parle, ce sont des enfants ou bien ce sont des gens pubères, ce sont des hommes pubères. J'attends la réponse, Inch'Allah. Wallahu alam, cher. Donc pour l'instant, répondez aux autres questions. Là, mon PV est ouvert. J'attends que la sœur me contacte pour me dire s'ils sont pubères. Tfadal, cher. Non, pour la personne qui a parlé de aînée, elle a tatoué les mains. Non. Dans ce cas, bien sûr, elle doit mettre les gants quand elle sort. Parce que ça devient une fitna. Ça devient une fitna et ça devient vraiment attirant. Si c'était seulement de l'aînée, c'est attirant. Maintenant que c'est tatoué, c'est beaucoup plus attirant. C'est beaucoup plus attirant. Non, c'est pour ça qu'elle devrait. Yani se gonter. Non, ils sont pubères, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense à une chose. Non, si vraiment yani, cette éducatrice, et que c'est ça son travail, et que yani, elle se trouve dans la daroura de travailler, il faut voir maintenant, est-ce que par exemple, elle peut ne pas les regarder quand ils sont dans la salle de bain. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'elle peut, par exemple, quand ils sont en train de se doucher, en même temps, yani, sans les regarder? Sans les regarder. Est-ce que c'est possible? J'attends encore la réponse, le temps que je réponde à la personne qui a dit si on pouvait dire à un homme, Uhibbuka fillah. Je lui réponds par ce fichier que je vais lui dire, Inch'Allah ta'ala. Hein, où on a posé une question. Donc, je vais voir d'abord à qui on a posé la question. Attendez, c'est qui ce chiffre là? Naam, Cheikh Al-Rajihi, Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah Al-Rajihi, hafidhahullah. On lui a posé la question suivante, je vais la lire devant vous. Il a dit pour la deuxième question sur la participation des femmes avec les hommes dans les forums islamiques sur Internet, quand on les remercie en disant par exemple Jazakumullah khairan, le shir dit qu'il n'y a pas de mal à ce que la femme participe avec les hommes sur le net, que cela fait partie de la da'wah Allah, qu'elle réponde à ceux qui se trompent et montre la vérité, à condition qu'elle ne mette pas sa photo ou son image à l'écran, et qu'elle ne parle pas au micro, qu'elle réponde à l'écrit, qu'elle dissimule son nom si elle peut, afin de se préserver des fitnas qu'elle pourrait avoir si son nom apparaissait. Donc, qu'elle réponde aux paroles fausses et éclaircisse la vérité. Cela fait partie de la da'wah Allah. Il n'y a pas de mal dans cela. Mais que sa voix ou son image n'apparaissent pas. Et il est préférable que son nom soit dissimulé. Elle ne va pas donner yani son vrai nom. Elle parle avec seulement un pseudo, par exemple. Ça y est. On n'est pas arrivé à notre question. Quant à notre question, elle dit ici, une seconde. Hein. Pour la troisième question, sur le fait qu'une sœur dise à un frère, je t'aime pour Allah. C'est dommage, la sœur avait posé la question, la sœur qui m'a posé la question, elle a dit dire à un cheikh. Et le cheikh ici, Hafidhahullah, va répondre en général, pas seulement à un cheikh, en général. Pour la troisième question, sur le fait qu'une sœur dise à un frère, je t'aime pour Allah, le cheikh dit que s'il n'y a pas de fitna et que cela n'est pas douteux, qu'il n'y avait pas de mal à cela, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait d'isolement entre les deux, et qu'il est préférable que cela se fasse à l'écrit, au travers de l'écran. Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah al-Rajihi, et le lien, je l'ai, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadl, inshallah ta'ala, les cinq autres questions. Attendez, cher, vous aviez posé la question par rapport aux adolescents et si elle pouvait ne pas voir ces parties. Donc elle a dit non, mais c'est possible qu'elle ne voit pas la aura de ces adolescents. Mais elle dit qu'elle doit tout de même avoir un œil sur ces personnes. Et moi j'aimerais juste ajouter une chose, cher, parce qu'il faut savoir en fait qu'il n'y a que des femmes qui encadrent et en général il y a des garçons, des hommes. Moi j'aimerais savoir, cher, est-ce que c'est pas dangereux en général si ces garçons ils agressent la femme, par exemple, elle pourra pas se défendre. Wallahu a'lam. Tfadal, cher. Maintenant, s'il l'agresse ou pas, ça c'est vrai, même si c'est ça c'est autre chose. S'il l'agresse ou pas, c'est autre chose. Maintenant, on parle de l'hukm, yani, est-ce que maintenant l'éducatrice, elle a le statut d'un médecin ou ça ressemble ou pas du tout. Le médecin, par exemple, si c'est une femme et lui c'est un homme et que yani, c'est son travail, et elle n'a que cette chose et qu'on lui a ramené. Elle ne peut rien faire. Hein? C'est comme certaines étudiantes yani, qui on les oblige pour le stage quand elles font médecine, etc. On les oblige à ce qu'elles lavent. Elles lavent, je sais pas, un homme ou là. Hein? Ça rentre dans ses études. Donc, c'est une darura. Hein? Elle est éducatrice spécialisée. Hein? Si yani, son travail est proche yani, de la médecine, c'est comme si c'était un médecin. Naam. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, je crois qu'elle est dans la Daroura. Naam. C'est quelque chose qui rentre dans la Daroura. Quoique, bien sûr, si elle pouvait, elle fait des efforts pour que, par exemple, elle travaille dans un endroit, par exemple, où il y a des femmes. Même si elles sont nues ou d'hommes, ça, des femmes, yani, avec des femmes. Ou alors, yani, si elle peut changer, par exemple, quand c'est le tour, par exemple, qu'elle aille surveiller un homme, par exemple, c'est une autre qui va à sa place. Elle lui dit, moi, yani, tu prends les autres. Et comme ça, Adi, c'est comme Inch'Allah Ta'ala, essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Je vais mettre aussi cette question de côté, Inch'Allah Ta'ala, pour essayer de lui trouver yani, quelque chose de plus sûr d'un savant. Tfadlal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc la première question, c'est une sœur convertie qui demande, et je précise, cher, que tous ceux qui posent des questions font doua pour vous, pour les admins et pour l'ensemble des musulmans. C'est juste pour économiser un peu de temps. Et donc on leur dit tous amin. La première question, donc, c'est une sœur convertie qui demande. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'hériter d'une mécréante. Mais elle veut savoir si elle peut mettre sa part d'héritage pour construire des mosquées en faisant des dons à des mosquées, ou bien pour construire des écoles salafiyah dans des pays musulmans, ou dans d'autres œuvres de bienfaisance. Donc est-ce qu'elle peut utiliser cet argent ou pas? Et elle veut savoir si c'est la même chose pour l'argent de l'intérêt de la banque. Donc c'est ce qu'on peut mettre dans les mosquées et autres. La deuxième question. C'est une sœur qui veut savoir s'il est possible de faire la ruqya ou hijama pour un mécréant. D'autant plus que dans son cas à elle, c'est une sœur qui, c'est enfin c'est une mécréante qui est intéressée par l'islam. Et elle a une maladie que les médecins n'arrivent pas à détecter. Ils ne savent pas ce que c'est au juste qu'elle a. Donc elle veut savoir si elle peut faire ruqya, lui faire ruqya et en même temps elle fait da'wa. Et d'une manière générale, est-ce qu'on peut faire da'wa à une mécréante ou un mécréant? La troisième question. C'est une sœur qui veut avoir la précision, des précisions sur la gélatine et l'alcool quand ils sont mélangés à d'autres éléments dans la cuisine. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser gélatine et l'alcool dans la, ou bien manger des éléments qui contiennent de la gélatine ou de l'alcool? La quatrième question, c'est une sœur qui veut savoir à quelle heure se termine Salat Doha. Est-ce que c'est quand le, est-ce que c'est le waqt Zawal ou est-ce que c'est au moment de Doha? Ou autre. Et la dernière question, est-ce qu'il y a un dalil, est-ce qu'il y a une preuve sur le fait de dire khair, khair, inshallah? Parce que beaucoup de gens disent khair, inshallah. Donc elle veut savoir s'il y a un hadith ou autre qui prouve cela. Barakallahu fikum, cher. Naam, alaykoum salam wa rahmatoullah. Vous m'entendez, pour la convertie qui a hérité. Pour la convertie qui a hérité. Naam. Maintenant que vous savez qu'il n'est pas possible qu'un kafir, qu'un musulman hérite un kafir et vice-versa. Seulement ce qui est possible, c'est que la personne, par exemple, demande à sa mère ou à son père avant de mourir, s'il sait qu'il va mourir dans la mécréance, il peut lui demander de lui faire, par exemple, quoi? Ce qu'on appelle hiba. Hiba, c'est-à-dire un don de son vivant. Il lui dit, voilà, je te donne par exemple tant d'argent, ou bien je te donne ma vie, là, je te donne ça, ça s'appelle un don. Il lui explique qu'il ne peut pas l'hériter après. Ou bien il lui fait ce qu'on appelle wasi, il y a un testament. Un testament que, yani, je donne cette telle et telle chose. Et ce n'est pas de l'héritage, il s'est permis. Et c'est une solution hein, pour sortir yani, du problème. Mais maintenant, si classe, elle a hérité l'argent chez elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Autant le donner à des, comme elle a dit maintenant, à une mosquée ou bien à une école musulmane, ou bien à aider des nécessiteux et comme ça. C'est la même chose pour l'argent de l'intérêt. L'argent qu'on a de l'usure, on le donne aussi, même à des nécessiteux, on le donne même à une mosquée. Même si c'est une mosquée, on le donne. Mais seulement on ne dit pas d'où on a cet argent. Comme ça, on dit, les savants, ils n'étaient à la croix que, il y a un certain temps, ils disaient que l'argent de l'usure, on ne doit le donner qu'à, par exemple, des choses qui, des projets, construction d'un pont, construction d'école, on ne donne pas à des personnes. Ensuite, les savants sont revenus sur cette chose et leur dernière fatwa, les grands savants, tous, ils disent maintenant tu peux le donner à des personnes, etc. Et je vous ai expliqué pourquoi la fois passée. La deuxième personne qui a dit Ruqya, Ruqya a une mécréante. Est-ce que c'est possible? C'est possible. D'après le hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui se trouve dans le Bukhari, qu'il avait fait ruqya à des Arabes, hein, et d'après certains rapporteurs, c'était des kuffars. Vous connaissez l'histoire de celui qui a été mordu par le scorpion. Donc, Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri lui a fait la ruqya. De là, les savants ont tiré l'intérêt que c'était possible de faire, même Ibn Qayyim l'a dit, de faire une ruqya à un kafir. En même temps, c'est une da'wa pour lui. En même temps, c'est de la da'wa pour lui, surtout s'il guérit. S'il guérit, bidna ta'ala, il va vraiment sentir que ce Coran donc a quelque chose de vraiment qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou la gélatine et l'alcool. Non. L'alcool, je ne connais pas, je n'ai pas lu quelque chose qui disait qu'on pouvait manger quelque chose si elle contenait de l'alcool, aussi minime qu'il soit. Ce que je sais, c'est pour les parfums, par exemple, c'était possible de se parfumer ou la déodorant ou là qui contient de l'alcool, à condition qu'ils ne contiennent pas beaucoup, pas plus de 50 degrés. Mais dans la nourriture, je n'ai jamais lu ça. Quant à la gélatine, il y a deux avis. L'avis qui dit, si on trouve de la gélatine, on ne mange pas. C'est l'avis de Cheikh Mokhbel, rahimahullah. Et deuxième avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit, on voit s'il y a la trace de la gélatine ou pas. Est-ce que cette gélatine a une trace qui va se situer au niveau du goût ou bien de l'odeur? Non, goût, odeur, il y a trois choses. Goût, odeur, non, ou bien couleur, goût, odeur, couleur. Il a dit s'il n'y a ni goût, ni couleur, ni odeur, classe, c'est comme si elle n'existait pas cette gélatine. Wallahu ta'ala alam. Pour Salat al-Duha, Fawaid, quand il a posé la question, il a dit, la sœur voulait savoir si Salat al-Duha, quand est-ce qu'elle se terminait. Est-ce que par exemple, elle se terminait au Zawel, ou elle se terminait au Dor, ou la comtesse? Moi, je dis, Zawel, c'est Dor, c'est la même chose. Quand on dit Zawel, ça veut dire que c'est le moment de Salat al-Duha. Et c'est à ce moment-là que quoi? Que Salat al-Duha se termine. Tu vois, depuis que le soleil s'est bien levé, Naam, s'est bien levé, il est bien sorti hein, de l'horizon, jusqu'à ce que c'est Zawel. Zawel, c'est quoi? C'est le soleil qui est au zénith. Il vient de quitter le milieu du ciel. Classe, maintenant il n'y a plus Salat al-Duha. Pour la dernière question, pour Khair, Inch'Allah, je ne connais pas un hadith qui dit que le prophète ou quelqu'un avait dit Khair, Inch'Allah. Sans pour autant dire que c'est interdit de le dire ou bien que c'est une bid'a. Car les paroles comme ça, de dire Khair Inch'Allah, ou bien de dire Marhaban Bik, ou bien de dire Hayyakallah, ou bien de dire Kayfa Haluk, tout cela, ça ne rentre pas dans le dîn. Tout cela, c'est d'après les habitudes des gens. Si en Algérie, on dit par exemple Washrak, en Arabie Saoudite, on dit peut-être Ahlan wa Sahlan, ou là on dit Hayyakallah. Et dans un autre pays, on dit une autre phrase, et comme ça. Ces phrases-là, n'ont rien à voir avec quoi? Avec l'adoration pour que quelqu'un puisse dire c'est une bid'a. Vous comprenez? Comme ça disent les savants, bi'idhnillahi ta'ala. Non, donc nous passons aux questions suivantes. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir si un homme, quand il se dispute avec sa femme, a-t-il le droit de lui tirer les cheveux ou de la gifler, même si elle s'est mise beaucoup en colère. Il arrive qu'après certaines disputes, mon mari se mette en colère et me gifle fort au visage. Et quand je lui reproche de me frapper, il dit qu'une giflée, ce n'est pas frapper. Ce n'est pas frapper sa femme. Afin. Malheureusement, nous sommes beaucoup à vous poser des questions sur les problèmes de couple et pas sur notre religion. Qu'Allah vous récompense, cher, pour votre patience. Question de Ah Mohamed sur les zakat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah, cher. Un frère vous demande, à force d'attendre, il a oublié de sortir la zakat et le mal. de l'année passée. Il n'a pas encore sorti celle de cette année et voudrait l'ajouter à celle-ci. Peut-il le faire? Sinon, que doit-il faire? Si vous pouviez lui indiquer à quelle date à laquelle il fallait la sortir pour qu'il puisse savoir ce qu'il devait sortir, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question de Mouaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il authentique de lire le surat al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas trois fois chaque matin et soir? Invocation du matin et du soir. Jazakumullah khairan. Question de Aubergine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on refuser au mari le rapport pratiqué tard la nuit de peur de rater le fajr? Désolé pour cette question déplacée. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous protège du mal. Salam alaikum. Question de Sena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur convertie voudrait que vous lui expliquiez le fait que Allah a écrit le destin d'une personne en fonction d'une doua qu'elle aurait fait en ce jour, par exemple, alors que cela va changer le cours des choses. Qu'Allah a écrit il y a 50 000 ans. Barakallahu fikoum, de lui clarifier cela. Wassalamu alaikum, cher. Tfadal, cher. وعليكم السلام ورحمة الله. مسلم فيه صوت؟ الحمد لله. La personne qui a parlé de gifle et qui a dit qu'en même temps elle s'excusait de parler du couple alors qu'il fallait parler de dîn, je profite pour lui dire que justement le fait de gifler ou de ne pas gifler, ça rentre dans le dîn. Ah, ça rentre dans le dîn. C'est pour ça que c'est important que les gens en général, je parle des musulmans en particulier, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils sachent que il y a une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de frapper quelqu'un sur le visage, c'est-à-dire le gifler ou bien lui donner un coup de poing. Un coup de poing, c'est pire. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un frapper quelqu'un au visage, il lui a interdit. Il a dit, la tadrib al-wajh. Il lui a dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam sur son image. Il a dit aussi, la tadrib al-wajh, naam, c'est-à-dire en parlant de la femme. La tuqabbih. Et il ne lui dit pas, tu commences à lui dire, tu es ceci, tu es comme ça, en lui citant ses défauts, surtout les défauts physiques. Al-muhim. Donc gifler quelqu'un, c'est interdit. D'où il dit que gifler, c'est pas frapper. Naam. Puisque gifler, c'est pas frapper, alors qu'il la laisse, qu'elle le gifle. Chaque matin, quand il se lève, elle lui donne trois gifles à droite, trois gifles à gauche. Elle lui dit, moi, je t'ai jamais frappé. Moi, je suis folle, je frappe mon mari, moi. Moi, je suis folle. Tu me prends pour une folle, moi, je gifle mon mari et je frappe mon mari. Non, je t'ai tout juste giflé. Trois ou quatre petites gifles, c'est tout, non? Moi, je frappe jamais mon mari. Je suis très gentil. D'ailleurs, toutes les sœurs me connaissent. Je suis comme ça, même ma famille. Al-Muhim. Donc, gifler, c'est vraiment transgresser le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'où quoi? D'où, de là, vous allez comprendre que c'est interdit de faire la boxe comme sport. Pourquoi aussi c'est interdit? Parce qu'on frappe le visage. On frappe le visage, entre autres. Sinon, il y a d'autres raisons. Le fait de faire mal. Et le hadith a dit, on fait pas mal. La darar ou la dirar. C'est le moyen. Ça, c'est pour gifler et ne pas gifler. Non. Donc, il y avait aussi autre chose dans cette question. Tirer les cheveux, non. Quand tu sais qu'il va tirer les cheveux, essaye de mettre une perruque. Mets la perruque, comme ça, si jamais il tire les cheveux, il prend la perruque dans sa main et toi tu vas dans le salon, il croit que tu es avec lui. Fanté. que les hommes craignent Allah subhanahu wa ta'ala et que les femmes, que les épouses craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ne fassent pas énerver leur mari au point où yani, ils perdent le contrôle et ils ne savent plus ce qu'ils font. Yani, ça s'applique aux deux. L'épouse ne doit pas énerver son mari au point où il va se lever pour je ne sais pas quoi faire. Elle sait que, et elle sent qu'il commence à s'énerver, elle se tait. Elle le laisse parler, parler, parler, jusqu'à ce qu'il se fatigue, il va se taire lui aussi. Et lui aussi, si vraiment le shaitan est avec lui, il sent qu'il va perdre le contrôle, qu'est-ce qu'il fait? S'il est debout, il s'assoit. S'il est assis, il essaye de se mettre sur son flanc. S'il peut aussi, il fait le wudu pour y aller. Refroidir la chaleur qu'il y a dans son cœur, la chaleur que Shaitan lui a insufflée. Ou le mieux serait qu'il sorte de la maison. C'est le mieux pour un homme quand il s'énerve. C'est de sortir de la maison, faire un tour dans le jardin, une heure ou là, et revenir. Et pour la deuxième question, pour la zakat, celui qui n'a pas fait sortir la zakat. L'an passé, il n'a pas le droit d'attendre jusqu'à ce que arrive la nouvelle zakat pour qu'il fasse sortir les deux. Chaque jour où il attend, il est dans les péchés. Il faut que demain, inshallah ta'ala, si tu m'écoutes, si tu écoutes maintenant la réponse, demain, inshallah ta'ala, tu vas donner l'ancienne zakat, celle de l'an passé. Demain, tu la donnes de bonne heure, après salat al-fajr. Naam. Maintenant, il m'a dit quand est-ce que je sais que c'est la zakat. Moi, je ne peux pas savoir. C'est à toi de savoir quand est-ce que tu as eu le nisab. Quand est-ce que tu as eu plus de, je crois, 1800 euros. Je crois. C'est à vous de demander. Ça dépend des années. C'était l'an passé, je crois, 1600, 1800 euros. Moi, c'est à toi de savoir quand est-ce que tu as eu le nisab. Et à partir du moment où tu as eu le nisab, il ne faut pas qu'il descende pendant une année. Il ne faut pas que ça descende sous le nisab. Pendant une année. Donc, le mois où tu as eu le nisab, c'est à partir de c'est l'autre mois de l'autre année que tu vas sortir. Mais tu comptes en arabe, tu comptes pas en français. Tu dis pas janvier avec janvier. Non. Tu dis par exemple, on est à Muharram, on est à Ramadan, on est à Shawwal, et comme ça. Parce qu'il y a une différence entre les années, l'année lunaire et l'année, l'autre année, comme vous savez. Non. Qu'est-ce qu'il reste pour sortir l'ikhlas trois fois? Naam, hadith authentique que yani, on disait l'ikhlas trois fois le matin, trois fois le soir. Ça rentre dans adhkar, sabah ou le masa. Pour la personne qui a dit refuser de cohabiter avec son mari, refuser de cohabiter avec le mari. À cause d'eux pour se lever à Salat al-Fajr, etc. Réponse, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de refuser cette chose au mari. Non. Si elle est plus ou moins, je ne sais pas comment, intelligente ou là pour le faire oublier, peut-être que elle lui joue un tour pour qu'il l'oublie. Quand je lui dis elle lui joue un tour, c'est pas elle va lui mettre quelque chose dans le thé pour qu'il dorme 2 ou 3 jours. Mais, si je ne sais pas, elle va lui parler de quelque chose, il va oublier ou là, mais qu'elle lui dise non ou là à cause de Salat al-Fajr, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Enfin, pour le doigt, Barakallahu fik muslim. Pour la doua, comment se fait-il que yani, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui va arriver sur cet univers, que ce soit aux êtres humains, aux djinns, aux animaux, aux arbres, aux insectes, il a écrit yani, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ensuite, comment se fait-il? Il y a un hadith qui dit que yani, si par exemple on fait une doua, la doua, yani, elle peut rendre. Elle peut yani, rendre ou le changer, elle peut changer la chose yani, prédestinée. On dit la réponse est très simple. La doua, quand on l'a fait, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit aussi dans la tablette préservée 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre ta doua. Il a écrit que tu allais faire une doua. C'est pour ça que il a changé ce qu'il avait voulu faire si tu n'avais pas fait cette doua. Si Allah ta'ala savait que tu n'allais pas faire cette doua, il te serait arrivé autre chose. Mais, sachant que Allah ta'ala a su que tu allais faire cette doua, il a fait quoi? Il a, yani la chose qu'il avait écrite, si je puis dire, c'est comme s'il lui met comme ça, yani en rouge une petite croix dessus, ça veut dire celle-là, cette chose ne doit pas avoir lieu. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans le Coran que Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit. Allah subhanahu wa ta'ala écrit ce qu'il veut et efface. Il efface ce qu'il veut, il laisse ce qu'il veut. Je donne un exemple. Allah ta'ala a écrit que si tu as une personne qui s'appelle, j'allais dire aubergine, mais il y a déjà une personne avec nous qui s'appelle aubergine, elle va croire que c'est elle. Si tu as une personne qui s'appelle par exemple, disons courgette, il y a une personne qui s'appelle courgette. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur la table préservée que cette personne qui s'appelle Courgette, le 15 juin, par exemple 2010, par exemple le 15 juin 2010, à 16 h 3 minutes de l'après-midi, par exemple, disons un pot va tomber du deuxième étage sur sa tête. Courgette, elle est donc, elle fait de la peine. Courgette, elle est enfin, je sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, elle dit courgette. Elle mouhim. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Donc, cette chose-là, le pot qui va tomber là, à 16 h 3 minutes, tel jour, là, tel mois, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive à cette personne qui s'appelle courgette. Et ou bien elle va mourir, ou bien on va l'emmener à l'hôpital. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ce qu'il a écrit. Maintenant, Allah ta'ala, pour une autre personne, naam, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les courgettes, il y a les aubergines, qu'est-ce qu'il y a encore comme légumes? Il y a, bon, disons, carottes. Une personne, la citrouille, voilà. Une personne qui s'appelle citrouille. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'à cette personne, par exemple, il lui arrive la même chose. Un autre jour, par exemple. En septembre, par exemple, une autre heure, une autre minute, Allah Ta'ala a écrit que il allait lui arriver la même chose. Ensuite, Allah Ta'ala, sachant que cette personne, quand elle va naître, elle va être créée, elle va naître, sortir du ventre de sa mère, cette personne va faire une doua à tel jour. En disant, Ya Allah Ta'ala, ce jour-là, c'est-à-dire où elle va avoir accident, Ya Allah Ta'ala, préservez-moi aujourd'hui de tout mal. Et elle va faire les doigts de Allahumma inni es'aluka khayra hadhihi yawm wa fathaha wa nasrahu. Et comme ça, même si certains ont dit que c'est daif, bien elle va faire le doigt de Allahumma, quand elle sort de la maison, Allahumma inni a'udhu bika an adilla ou udall ou azil ou uzal ou adim ou udlam. Oh! Ou bien elle fait une doigt en général, Ya Allah, préservez-moi aujourd'hui. Hein, de tout mal, de tout malheur, de tout comme ça. Allah Ta'ala a su que cette personne allait dire cette doua. Il a dit donc, j'annule. Cette personne, le pot ne tombera pas sur sa tête. Non. Donc toi, regarde, en faisant cette doua, tu as eu la faveur d'annuler quelque chose qui allait t'arriver. Et si tu n'avais pas fait cette doua, Allah Ta'ala savait que tu n'allais pas faire, il l'aurait fait, non, il n'aurait pas annulé l'autre chose qu'il aurait voulu qu'elle arrive. Et ce jour-là, tu aurais eu le malheur d'avoir le pot sur la tête. Ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si c'est clair ou là, moi, ça me paraît très clair. Yani, Muslim et Fawaid, est-ce que c'est pour vous, c'est clair? Ou là, ça demande yani, d'explication. Car c'est dans la Aqida. Pourquoi je demande à Muslim et la Rose? Très clair. Moi, je demande à Umsana et son ami elle, qui a posé la question. Est-ce que c'est clair ou bien je réexplique? Non. On profite, Inch'Allah Ta'ala, de questions, tafadhal. Salam alaykoum wa rahmatoullah. La première question, c'est à une personne anonyme qui demande: Salam alaykoum, cher. Pouvez-vous m'indiquer si la noix de muscade est vraiment haram? Parce que c'est ce qu'elle a pu entendre de certaines personnes. Donc, cher, est-ce que vous connaissez une noix de muscade? Merci de me le dire, sinon on vous expliquera, inshallah. La deuxième question, c'est une personne qui se dénomme Sundus, qui demande: Assalamu alaikum. Peut-on penser au dua quand on est aux toilettes, c'est-à-dire dans notre cœur, quand on est aux toilettes, soit on récite un verset ou bien des duas ou autre? La troisième personne, c'est la sœur Sarah, 1986, qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère doit venir me demander en mariage, inshallah. Malheureusement, étant converti et issu d'une famille de kuffar, de mécréants, je n'ai ni tuteur ni mahram. Et elle a demandé en vain à plusieurs personnes de la représenter, donc personne n'accepte. Comment elle doit faire, chir? Barakallahu fikoum. La noix de muscade, chez nous en Algérie, on l'appelle Jouz-Tib. Il y a une fatwa de Cheikh Farkous pour Faïdan qui l'interdit. Parce que c'est une chose qu'on ajoute dans la nourriture et qui est en fait est enivrante. Et des fois, les koufars même l'utilisent quand ils n'ont pas le kohol ou autre. Ils l'utilisent à la place. Et Cheikh Farkous, entre autres, et pas mal d'autres savants aussi, l'ont interdit. De ce que je sais. Allahu Akbar. Donc j'étais à la question de wa Abu Safwan qui demande: ma sœur est mariée et elle a un enfant avec cet homme. Et elle a découvert à plusieurs reprises que cette personne avait des relations avec d'autres femmes sur Internet et au téléphone. Il s'est même déplacé au bled pour rencontrer certaines de ces femmes. La sœur lui a même proposé de faire la polygamie pour qu'il arrête, pour qu'il ne soit pas dans le haram. Mais il a refusé, surtout financièrement. Il a dit que je n'ai pas assez d'argent pour gérer deux familles. Et ça fait maintenant plusieurs années que ça dure, et cette sœur est patiente. Elle a beaucoup patienté. Mais son mari est toujours dans la fitna. Et la sœur, elle est dans le minhaj, mais son mari apparemment non. Et elle veut savoir ce qu'elle doit faire maintenant. Et aussi, quand il va au bled, est-ce qu'elle peut ne pas aller avec lui pour éviter des problèmes. Et la dernière question, Muslima 32, qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré à vous, chers, ainsi qu'aux admins. Ma mère a partagé son or entre mes frères et moi, mais elle lui en a donné plus. C'est-à-dire que quand elle l'a partagé, elle est vivante, sa mère est vivante, et de son vivant, elle lui a donné plus d'or qu'à ses frères. Elle avait de l'or, elle l'a partagé, et elle lui en a donné plus, et sa mère est toujours vivante maintenant. Et elle veut savoir si. S'il n'y a pas de mal à ça. Et de même, elle veut savoir quand elle présente la fatwa sur l'or et que la personne n'accepte pas. Elle dit que l'avis de Cheikh Al-Utaymin est tel, mais la personne prend l'avis d'un autre Cheikh, est-ce qu'elle est dans le péché ou pas? Barakallah ou vikum Cheikh. Je n'ai pas entendu la question de la personne. Je crois que tu avais dit qu'elle était reconvertie, qui je ne sais pas où elle devait aller, elle n'avait pas qui la représenter. Si j'ai bien compris, elle voulait aller, je ne sais pas, à une fête ou là, il n'y a pas qui la prend. Je n'ai pas bien compris. Allez. Ensuite, Estenachov, la quatrième, là, ça y est, réponds-moi à celle-là. Ensuite, il reste deux autres questions. Je ne les ai pas écrites car mon stylo ne veut plus écrire. Donc, les deux autres qui sont les deux dernières, tu répéteras une à une et moi je répondrai une à une. Fadal pour cette question, ta reconversion. Salam alaikum. La question de la reconvertie, elle dit qu'elle a une famille donc de Koufa, toute sa famille sont des mécréants. Elle n'a pas de tuteur, elle n'a pas de mahram. Et elle a demandé à plusieurs personnes de la représenter parce qu'il y a un frère qui doit venir faire la muqabala avec elle. Et comme il n'y a personne pour la représenter, comment elle doit faire? Barakallahu fikoum, cheikh, et quand vous aurez répondu aux questions, je vous poserai celles que les deux dernières, inshallah. Qu'est-ce qu'elle veut dire par représenter? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire être présent le jour avec elle le jour de la muqabala, est-ce que c'est ça? D'accord, je commence par la première. Pour la noix de muscade, non, je connais pas et j'ai jamais lu quelque chose dessus. J'ai comme je crois au Allahu a'lam que j'ai même une fois reçu un fichier sur la noix de muscade. Je ne me rappelle pas très bien, donc je ne sais pas quel est l'avis des savants. Et vous avez entendu ce qu'a dit Fawaid sur l'avis de Cheikh Mohamed Firkous Habibullah, que c'était enivrant, que ça saoulait un peu, etc. Donc si ça enivre et ça saoule un peu, c'est pas la peine, la réponse serait claire, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant pour les toilettes. Quand on est dans les toilettes, on essaie au maximum de ne pas penser à ces choses. De ne pas penser yani, au Coran, au verset, au tesbih, tout cela, on ne doit pas y penser. Hein? Non. Si tu veux dans les toilettes, laisse seulement les affaires d'argent. 50 euros, 60, j'ai perdu 30, j'ai acheté 40, ou sont passés les 20, ou sont les 10 que j'ai donné à l'autre, et comme ça. Hein? Seulement argent. Ça y est. Déjà, les toilettes, il faut se mettre dans la tête que c'est l'endroit où il y a les djinns qui sont avec nous, il y a la saleté, il y a la mauvaise odeur. Donc, on ne doit pas s'y plaire là-bas. Mais, dès qu'on termine sa chose, on fait le maximum pour sortir. On ne reste pas là-bas, c'est yani, comme si on était dans le salon. Dans un salon, et on reste, yani, à je ne sais pas quoi. Et, donc ça, c'est pour la troisième, la reconvertie. La reconvertie pourrait voir, par exemple, un couple. On pourrait voir un couple. Yani, si elle a une amie qui est bien, et son amie, par exemple, elle est mariée à quelqu'un de bien, de sérieux, hein? Elle peut faire venir ce couple-là le jour de la muqabala pour qu'elle ne soit pas en tête-à-tête avec qui? Avec cet homme. Pour qu'elle ne soit pas en tête à tête avec cet homme. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, ce qu'elle doit faire. Car c'est interdit qu'elle se voit en tête à tête avec quelqu'un qui lui demande sa main. Mais s'ils ne sont pas en tête à tête, et vu que c'est une reconvertie, qu'elle a un statut spécial, dans ce cas, le muhim, c'est que, yani, il n'y a pas le khalwa, il n'y a pas tête à tête. Maintenant, pour les deux autres questions, tu les poses une à une, inshallah, tafadhal.